Chapitre 8. Comment Nicolas Mézère, neveu de Jean Mézère, avait exécuté le testament de son oncle. Le docteur Hirst de Berlin, qui avait copié ce testament lui-même, s'excusa fort obligeamment de ne l'avoir pas envoyé plus tôt. Ses affaires l'avaient contraint de voyager loin de la capitale. En passant par Danzig, il s'était donné le plaisir de visiter M. Nicolas Mézère, ancien brasseur, richissime propriétaire et gros rentier, actuellement âgé de 66 ans. Ce vieillard se rappelait fort bien la mort et le testament de son oncle, le savant. Mais il n'en parlait pas sans une certaine répugnance. Il avait affirmé d'ailleurs qu'aussitôt après le décès de Jean Mézère, il avait rassemblé 10 médecins de Danzig autour de la momie du colonel. Il montrait même une déclaration unanime de ces messieurs, attestant qu'un homme desséché à l'étuve ne peut en aucune façon, ni par aucun moyen, renaître à la vie. Ce certificat, rédigé par les adversaires et les ennemis du défunt, ne faisait nulle mention du mémoire annexé au testament. Nicolas Mézère jurait ses grands dieux, mais non sans rougir visiblement, que cet écrit concernant les procédés à suivre pour ressusciter le colonel n'avait jamais pu le porter à se dessaisir d'un dépôt aussi précieux que le corps de M. Fougas. Il disait l'avoir conservé 15 ans dans sa maison avec tous les respects et tous les soins imaginables. Mais au bout de ce temps, obsédé de visions et réveillé presque toutes les nuits par le fantôme du colonel qui venait lui tirer les pieds, il s'était décidé à le vendre pour 20 écus à un amateur de Berlin. Depuis qu'il était débarrassé de ce triste voisinage, il dormait beaucoup mieux, mais pas encore tout à fait bien, car lui avait été impossible d'oublier la figure du colonel. À ces renseignements, M. Hirt, médecin de S.A.R., le prince, régent de Prusse, ajouta quelques mots en son nom personnel. Il ne croyait pas que la résurrection d'un homme sain et desséché, avec précaution, fût impossible en théorie. Il pensait même que le procédé de dessiccation indiqué par l'illustre Jean Mézère était le meilleur à suivre. Mais dans le cas présent, il ne lui paraissait pas vraisemblable que le colonel Fougas pût être rappelé à la vie. Les influences atmosphériques et les variations de température qu'il avait subies durant un espace de 46 ans devaient avoir altéré les humeurs et les tissus. C'était aussi le sentiment de M. Renaud et de son fils. Pour calmer un peu l'exaltation de Clémentine, ils lui lurent les derniers paragraphes de la lettre de M. Hirtz. On lui cacha le testament de Jean Mézère, qui n'aurait pu que lui réchauffer la tête. Mais cette petite imagination fermentait sans relâche, quoi qu'on fît pour l'assoupir. Clémentine recherchait maintenant la compagnie du docteur Martout. Elle discutait avec lui, elle voulait voir des expériences sur la résurrection des rotifères. Rentrée chez elle, elle pensait un peu à Léon et beaucoup au colonel. Le projet de mariage tenait toujours, mais personne n'osait parler de la publication des bans. Aux tendresses les plus touchantes de son futur, la jeune fiancée répondait par des discussions sur le principe vital. Ses visites dans la maison Renaud ne s'adressaient pas aux vivants, mais aux morts. Tous les raisonnements qu'on mit en œuvre pour la guérir d'un fol espoir ne servirent qu'à la jeter dans une mélancolie profonde. Ses belles couleurs pâlirent, l'éclat de son regard s'éteignit. Minée par un mal secret, elle perdit cette aimable vivacité, qui était comme le pétillement de la jeunesse et de la joie. Il fallait que le changement fût bien visible, car Mademoiselle Sambucco, qui n'avait pas des yeux de mère, s'en inquiéta. M. Martout, persuadé que cette maladie de l'âme ne céderait qu'à un traitement moral, vint la voir un matin et lui dit « Ma chère enfant, quoique je ne m'explique pas bien le grand intérêt que vous portez à cette momie, j'ai fait quelque chose pour elle et pour vous. Je viens d'envoyer à M. Karl Nibor le petit bout d'oreille que Léon a détaché. » Clémentine ouvrit de grands yeux. « Vous ne me comprenez pas, reprit le docteur. Il s'agit de reconnaître si les humeurs et les tissus du colonel ont subi des altérations graves. M. Nibor, avec son microscope, nous dira ce qui en est. On peut s'en rapporter à lui. C'est un génie infaillible. Sa réponse va nous apprendre s'il faut procéder à la résurrection de notre homme ou s'il ne reste qu'à l'enterrer. « Quoi ? » s'écriait la jeune fille. « On peut décider si un homme est mort ou vivant, sur échantillon ?» Il ne faut rien de plus au docteur Nibor. Oubliez donc vos préoccupations pendant une huitaine de jours. Dès que la réponse arrivera, je vous la donnerai à lire. J'ai stimulé la curiosité du grand savant. Il ne sait absolument rien sur le fragment que je lui envoie. Mais si, par impossible, il nous disait que ce bout d'oreille appartient à un être saint, je le prierai de venir à Fontainebleau et de nous aider à lui rendre la vie. Cette vague lueur d'espérance dissipa la mélancolie de Clémentine et lui rendit sa belle santé. Elle se remit à chanter, à rire, à voltiger dans le jardin de sa tante et dans la maison de M. Renaud. Les 12 entretiens recommencèrent. On reparla du mariage. Le premier banc fut publié. Enfin, disait Léon, je la retrouve. Mais Madame Renaud, la sage et prévoyante mère, hochait la tête tristement. Tout cela ne va qu'à moitié bien, disait-elle. Je n'aime pas que ma Bru se préoccupe si fort d'un beau garçon desséché. Que deviendrons-nous lorsqu'elle saura qu'il est impossible de le faire revivre? Les papillons noirs ne vont-ils pas reprendre leur vol? Et supposer qu'on parvienne à le ressusciter par miracle? Êtes-vous sûr qu'elle ne prendra pas de l'amour pour lui? En vérité, Léon avait bien besoin d'acheter cette momie, et c'est ce que j'appelle de l'argent bien placé. Un dimanche matin, M. Martout entra chez le vieux professeur en criant victoire. Voici la réponse qui lui était venue de Paris. « Mon cher confrère, j'ai reçu votre lettre et le petit fragment de tissu dont vous m'avez prié de déterminer la nature. Il ne m'a pas fallu grand travail pour voir de quoi il s'agissait. J'ai fait 20 fois des choses plus difficiles dans des expertises de médecine légale. Vous pouviez même vous dispenser de la formule consacrée. Quand vous aurez fait votre examen au microscope, je vous dirai ce que c'est. Ces finasseries ne servent de rien. Mon microscope sait mieux que vous ce que vous m'avez envoyé. Vous connaissez la forme et la couleur des choses. Il en voit la structure intime, la raison d'être, les conditions de vie et de mort. Votre fragment de matière desséchée, large comme la moitié de mon ongle et à peu près aussi épais, après avoir séjourné 24 heures sous un globe, dans une atmosphère saturée d'eau, à la température du corps humain, est devenu souple, bien qu'un peu élastique. J'ai pu dès lors le desséquer, l'étudier comme un morceau de chair fraîche, et placer sous le microscope chacune de ses parties qui me paraissaient de consistance ou de couleur différente. J'ai d'abord trouvé au milieu une partie mince, plus dure et plus élastique que le reste, et qui m'a présenté la trame et les cellules du cartilage. Ce n'était ni le cartilage du nez, ni le cartilage d'une articulation, mais bien le fibrocartilage de l'oreille. Donc vous m'avez envoyé un bout d'oreille. Et ce n'est point le bout d'en bas, le lobe qu'on perce chez les femmes pour y mettre des boucles d'or, mais le bout d'en haut, dans lequel le cartilage s'étend. À l'intérieur, j'ai détaché une peau fine dans laquelle le microscope m'a montré un épiderme délicat, parfaitement intact. Un derme non moins intact, avec de petites papilles, et surtout traversé par une foule de poils d'un fin duvet humain. Chacun de ces petits poils avait sa racine plongée dans son follicule, et le follicule accompagné de ses deux petites glandes. Je vous dirai même plus, ces poils de duvet étaient longs de 4 à 5 mm sur 3 à 5 centièmes de millimètre d'épaisseur. C'est le double de la grandeur du joli duvet qui fleurit sur une oreille féminine, d'où je conclus que votre bout d'oreille appartient à un homme. Contre le bord recourbé du cartilage, j'ai trouvé les élégants faisceaux striés du muscle de l'hélix, et si parfaitement intacts qu'on aurait dit qu'il ne demandait qu'à se contracter. Sous la peau et près des muscles, j'ai trouvé plusieurs petits filets nerveux, composés chacun de 8 ou 10 tubes dont la moelle était aussi intacte et homogène que dans les nerfs enlevés à un animal vivant, ou pris sur un membre amputé. Êtes-vous satisfait? Demandez-vous merci? Eh bien moi, je ne suis pas encore au bout de mon rouleau. Dans le tissu cellulaire interposé au cartilage et à la peau, j'ai trouvé de petites artères et de petites veines, dont la structure était parfaitement reconnaissable. Elle renfermait du sérum avec des globules rouges du sang. Ces globules étaient tous circulaires, biconcaves, parfaitement réguliers. Ils ne présentaient ni dentelure, ni cet état framboise qui caractérise les globules du sang d'un cadavre. En résumé, mon cher confrère, j'ai trouvé dans ce fragment à peu près de tout ce qu'on trouve dans le corps de l'homme. Du cartilage, du muscle, du nerf, de la peau, des poils, des glandes, du sang, etc. et tout cela dans un état parfaitement sain et normal. Ce n'est donc pas du cadavre que vous m'avez envoyé, mais un morceau d'un homme vivant, dont les humeurs et les tissus ne sont nullement décomposés, agréés, etc. Karl Nibor, Paris, 30 juillet 1859.